j'ai la dalle. Ne me parle pas de solidarité. Si t'y vas pas, personne ne va y aller pour toi. Vaut mieux se servir soi-même. Faut y aller, y'a pas de miracle. J'tiens à bout de bras, à bout de force. Au bout de mes mains, la misère du monde. Toutes les drogues qu'on gobe, tous les squattages de hall. Tous les séjours en tôle, toute notre ivresse, l'alcool et la drogue. J'tiens à bout de bras, à bout de force. Au bout de mes mains, la misère du monde. Toutes les drogues qu'on gobe, tous les squattages de hall. Tous les séjours en tôle, toute notre ivresse, l'alcool et la drogue. Laissez-moi vivre avec ma vision décalée. Vision d'un monde bouleversé, d'un monde renversé. J'ai versé des larmes et posé mes armes au coin de mon chevet, donc arrêtez le massacre. Mon premier pas dans une cellule, comme le premier pas de l'homme sur la lune, comme le premier pas d'un nouveau-né. Comme faut y aller, comme il faut, je suis parti comme une torpille. Même si j'ai pas le physique d'un gorille. Depuis l'adolescence on fait du hors-piste. Trop voulant toucher l'or, j'ai même pas touché le bronze, j'ai touché la zonze. Oh mon dieu, tous les soirs, je suis trop fond, c'est mon histoire, je la raconte. Comme faut y aller, comme faut y aller, viens, on y va, on y croit, dur comme fer, ça vient de la Côte d'Ivoire. Venu à l'aventure en bivouac, croyant trouver l'or, on a trouvé les HLM au bivouac. Depuis que j'ai déposé ma peine et ma haine à même le sol, je me sens beaucoup plus léger, mon dieu, amen. Mais comme il faut le dire, comme il faut le dire, alors je vais le dire, je suis 400 ans d'esclavage. J'ai à bout de bras, à bout de force, au bout de mes mains, la misère du monde. Toutes les drogues qu'on gobe, tous les squattages de hall, tous les séjours en tôle, toute notre ivresse, l'alcool et la drogue. J'tiens à bout de bras, à bout de force. Au bout de mes mains, la misère du monde. Toutes les drogues qu'on gobe, tous les squattages de hall, tous les séjours en tôle, toute notre ivresse, l'alcool et la drogue. C'est à main nue que je m'en vais conquérir le monde que demain je mangerai. Oui, comme toi j'ai peur mais je m'entête. La vie c'est dur, faut être fort et robuste. Gonfler le torse et le buste, personne ne va te torcher le cul. Tout le monde voudra te plomber le torse. Restez groupé, l'union fait la force. Le fond et la forme de mon rap n'ont pas de morale, mélange pas souris et crotale. Depuis que j'ai déposé ma peine et mes rêves à même le sol, je me sens beaucoup beaucoup plus fort, amen. Je me sens simplement vivre, arrête de rêver. T'auras jamais le million d'euros avec un BEP. Comme faut y aller, comme il faut, alors on va y aller. Tête baissée, point serré, shoot dans le tas. Soldat, sois solvap, c'est ta seule balle. Dans ce monde de fils de pute, ton porte-monnaie, c'est ta seule arme. C'est à main nue que je m'en vais conquérir le rap sans retourner ma veste, sans jamais donner mes fesses, négro. Me parle pas de solidarité, tu partages si seulement t'as bien becté. Mais comme il faut le dire, comme il faut le dire, disons les choses clairement. On s'est baisé la gueule tellement, c'est chacun pour soi. Pour ma part, je préfère dormir dans du coton que dans du carton. J'tiens à bout de bras, à bout de force. Au bout de mes mains, la misère du monde. Toutes les drogues qu'on gobe, tous les squattages de hall, tous les séjours en tôle, toute notre ivresse, l'alcool et la drogue. J'tiens à bout de bras, à bout de force. Au bout de mes mains, la misère du monde. Toutes les drogues qu'on gobe, tous les squattages de hall, tous les séjours en tôle, toute notre ivresse, l'alcool et la drogue. J'y vais. Je suis la balle dans la culasse, car on recule. Soit tu bouges, soit tu te couches. À moi seul, je suis un film culte. Ok, je distribue les coups, tu joues les coudes. Nique le pare-balles. On marche avec celui qui a créé l'homme, qui a créé le flingue, plus de pare-balles. Les rap sales, ça nous connaît. Je suis un rapace sans déconner. On veut la même part, mais fois 4. Dîner aux veufs, clico, caviar, plus c'est foie gras. On marre de l'eau et des pâtes. Plus j'ai de l'eau, plus j'ai pâtes. Plus de go, c'est plus de chat. C'est les thunes qu'on n'a pas, qu'on éclate. Les grandes richesses sont dans nos cartes. Ton meilleur pote, c'est ton avocat, crois-moi. Miser sur un nec, maigres sont les gains, ouais. Mais nombreux sont les tiens, ouais. Peu solidaires, de l'engrenage, peu se libère. Nombreux rêvent de meilleur monde, style Gulliver. Marche, style militaire, arme au poing, serrer les rangs, le bonheur est loin. J'ai un bout de bras, à bout de force. Au bout de mes mains, toute la rage d'un homme. Tout l'espoir du globe, toute la chaleur d'un globe. Toute la couleur du bloc, toutes nos faiblesses, l'alcool et la drogue. J'tiens à bout de bras, à bout de force. Au bout de mes mains, toute la rage d'un homme. Tout l'espoir du globe, toute la chaleur d'un globe. Toute la couleur du bloc, toutes nos faiblesses, l'alcool et la drogue. J'tiens à bout de bras, à bout de force. Au bout de mes mains, la misère du monde. Toutes les drogues qu'on gobe, tous les squattages de hall. Tous les séjours en tôle, toute notre ivresse, l'alcool et la drogue. J'tiens à bout de bras, à bout de force. Au bout de mes mains, la misère du monde. Toutes les drogues qu'on gobe, tous les squattages de hall. Tous les séjours en tôle, toute notre ivresse, l'alcool et la drogue.